Ok, on va commencer, Inch'Allah, bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu amma ba'd. Donc on continue dans notre explication du livre de Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah rahimahullah, Al-Furqan bayna awliya al-Rahman wa awliya al-Shaytan. Et on est arrivé aujourd'hui au cours numéro 121. Donc, on était en train hier d'expliquer les miracles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, on va continuer à mentionner d'autres miracles que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a fait. Et les miracles des messagers d'Allah, c'est uniquement par la permission d'Allah. Hein? C'est Allah qui leur permet d'accomplir ces miracles. Donc on va continuer dans l'explication. Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah rahimahullah, il dit: "Wa takthiru at-ta'ami wash-sharabi marratin kathiratin kama ashba'a fil khandaq al-askara min qidri ta'amin wa huwa lam yanqus fi hadith wa huwa lam yanqus fi hadith Umm Salamah al-mashhur." OK, donc ici, le cheikh, il mentionne parmi les miracles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est qu'il a souvent fait augmenter la quantité de la nourriture et il a augmenté également la quantité de la boisson aussi. Donc, lorsqu'il n'y avait qu'une petite quantité de nourriture et il l'a fait augmenter, il l'a fait croître. Ça fait partie de ces miracles. Et c'est ça ce que le cheikh explique ici. Et il dit que, comme par exemple, lors de la bataille de Al-Khandaq, il a nourri l'armée à partir d'un contenant de nourriture. Et chaque fois qu'il en donnait à quelqu'un, eh bien, ça ne diminuait pas, ça continuait à se remplir au fur et à mesure. Et ça, c'est mentionné dans un hadith rapporté selon Umm Salama, radiallahu anha. Et c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. En ce qui concerne d'autres exemples de ce genre, il y en a d'autres exemples rapportés dans différents hadiths par Al-Bukhari et Muslim également. Et donc, Cheikh Al-Fawzan, il va faire un commentaire sur ça. Donc, il dit: وَمِنْ مُعْجِزَاتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ تَكْثِيرُ الشَّيْءَ الْقَلِيلِ مِنَ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ فَكَانَ إِذَا وَضَعَ يَدَهُ فِي الطَّعَامِ أَوْ دَعَى فإن الطعام القليل يشبع الجماعات الكثيرة ويبقى منه إذا كان الناس عطاشا وليس عندهم ماء في صحاري في الأسفار يعني فإنه صلى الله عليه وسلم يضع يده في الماء القليل حتى يفور من بين أصابعه فيكفي الناس الحاضرين معه وهذا سيأتي فيشربون ويتوضؤون من ماء أصله قليل فهذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم. Donc le cheikh il explique ici que le prophète صلى الله عليه وسلم, parmi ses miracles, il a fait augmenter des petites quantités de nourriture et également, par exemple, la boisson ou le breuvage, par exemple, s'il y avait un peu d'eau, eh bien, il l'a fait augmenter aussi. Il plaçait sa main, par exemple, dans la nourriture, il faisait un doua, et le peu de nourriture suffisait à nourrir des grandes assemblées et un grand nombre de personnes jusqu'à ce qu'il n'en reste plus, jusqu'à ce qu'il n'en reste plus personne qui n'est plus mangé. Et quand les gens avaient soif et qu'ils n'avaient rien à boire avec eux, ou qu'ils étaient dans le désert par exemple, ou en voyage, eh bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam plaçait sa main dans une petite quantité d'eau jusqu'à ce qu'on voit l'eau qui jaillit de ses doigts. Et donc ça suffisait à tous ceux qui étaient présents avec lui, et ils buvaient, et ils pouvaient même faire le wudu, Il pouvait même faire le wudu à partir de cette eau-là, alors qu'à la base, c'était une petite quantité. Et ça, ça fait partie des miracles du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et en ce qui concerne l'exemple qui est mentionné par rapport à la bataille de Al-Khandaq, eh bien, le cheikh, il dit ici, il dit « وَفِي الْخَنْدَقِ وَفِي غَزْوَةِ الْخَنْدَقِ وَالْخَنْدَقِ الْمُرَادُ بِهِ الْحَفْرُ الَّذِي حَفَرَهُ النبي صلى الله عليه وسلم حول المدينة ليمنع المشركين من دخول المدينة لما غزوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في وقعة الأحزاب أشار عليه سلمان الفارسي رضي الله عنه أن يحفر خندقا حول المدينة فحفره وهو وأصحابه فلما وصل المشركون لم يستطيعوا تجاوزه وقالوا هذه مكيدة لا تعرفها العرب يعني هذه مكيدة يعني حفر الخندق لا تعرفها العرب فنفع الله بهذا الخندق وكانوا يحفرون الخندق ومعهم الرسول صلى الله عليه وسلم ومعهم الرسول صلى الله عليه وسلم يحفر فكأن أم سليم أم أنس رضي الله عنه وأم أنس بن مالك خادم الرسول صلى الله عليه وسلم رأت في وجه الرسول صلى الله عليه وسلم الجوع فذهبت وصنعت شيئا من الطعام وقالت لأنس ادعو رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعاه فذهب فوجدها قد عملت شيئا قليلا من الطعام فأرسل أنسا يدعو أهل الخندق كلهم يعني كل أهل الخندق يزيدون على الألف فوضع يده صلى الله عليه وسلم في هذا الطعام فأكلوا منه وشبعوا وبقي منه بقية وهذه من معجزات من معجزاته صلى الله عليه وسلم. Donc ici le cheikh il explique que dans la bataille de Khandaq, et il explique qu'est-ce qu'on veut dire par la bataille de Khandaq ici, c'était une bataille dans laquelle le prophète صلى الله عليه وسلم avait fait creuser une tranchée pour empêcher les mouchriquins d'entrer à Médine. Donc, lorsque les coalisés, les différents groupes de mouchriquins et de koufars réunis se sont mis ensemble pour attaquer Médine, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris le conseil de Salman al-Farisi radiallahu anhu qui lui avait indiqué de creuser une tranchée autour de Médine pour empêcher justement les mouchriquins. Alors, les sahaba se sont tous mis à creuser cette tranchée. Et les mouchriquins n'ont pas été capables de traverser lorsqu'ils sont arrivés. Et justement, ils ont dit, ça c'est une ruse que les Arabes ne connaissent pas. Les Arabes ne connaissaient pas cette tactique ou cette technique de guerre. Et Salman est un Perse, donc il vient de la Perse. Et il avait appris cette technique là-bas. Donc quand il est venu, quand il a vu les mouchriquins arriver, il a suggéré cela au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Alors ils se sont tous mis à creuser, et même le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a creusé avec eux. Et lorsque Anas elle a vu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait faim, elle a vu dans son visage la faim, alors elle est partie préparer un peu de nourriture. Et elle a dit à Anas ibn Malik, son fils, est-ce que tu peux aller appeler le messager d'Allah? Alors, il a appelé le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Il a trouvé avec elle une petite quantité de nourriture. Alors, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a envoyé Anas et a dit, appelle tous les gens, appelle tous les gens de Al-Khandaq, tous les musulmans. Alors, ils étaient, il y en a plus que 1000. Alors, qu'est-ce qu'il a fait, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam? il a mis sa main sur la nourriture et yani, il a commencé à servir à tout le monde de la nourriture. Et tout le monde a mangé, et même qu'il y en a eu un reste, hein, un restant. Donc ça, ça fait partie des exemples, des miracles du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il y a d'autres exemples encore. Le cheikh, il dit wa arwa al-askar fi ghazwati Khaybar min mazadati ma'in lam tanqus wa mala'a aw'iyat al-askar 'ama Tabuk min ta'amin qalilin lam yanqus wa hum nahwu 30,000 ونبع الماء من بين أصابعه مرات عديدة حتى كفى الناس الذين كانوا معه. Donc, il mentionne d'autres exemples semblables à celles qu'on vient de mentionner. Le fait qu'il a abreuvé et étanché la soif d'un régiment complet, d'une armée complète lors de la bataille de Khaybar. Alors que yani, il n'y avait pas beaucoup d'eau et il en a fait, hein, il a fait que cette eau soit augmentée, comme c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. De même qu'il a rempli les contenants de nourriture lors de la bataille de Tabuk, alors qu'il n'y en avait pas beaucoup. Il a fait augmenter la nourriture et il n'en a pas manqué. Et les gens, à ce moment-là, étaient réunis. Ils étaient environ 30 000 personnes, comme c'est rapporté par l'imam Muslim. De même qu'à plusieurs reprises également, de l'eau a jailli de ses doigts. Et ça a été suffisant pour abreuver tout le monde qui était avec lui. Donc, Cheikh Al-Fawzan, il fait quelques explications à ce sujet-là. Il dit والمزادة هي القربة الكبيرة وهم كثيرون ما تكفيهم المزادة والمزادات ولا المزادات ولكنه صلى الله عليه وسلم عمل عملا بارك الله فيه فزاد هذا الماء حتى كفى العسكر كلهم. Donc, il explique que, à partir d'une petite quantité d'eau, hein, une gourde, quelque chose de ce genre, il a fait augmenter la quantité d'eau, alors que c'était pas suffisant ce qu'ils avaient à la base. Mais il a été capable d'abreuver tout le monde, toute l'armée au complet. Dans une autre expédition, l'expédition de Tabuk, الشيخ يقول وفي غزوة تابوك الغزو نحو 30,000 مقاتل قلت أزوادهم وخشوا من الجوع فأمرهم صلى الله عليه وسلم أن يجمعوا ما معهم فجمعوه على بساط فدعا صلى الله عليه وسلم عليه وبارك وقال خذوا فجعلوا يأخذون لمنازلهم يأخذون من هذا الطعام لمنازلهم ورحالهم حتى أنهم أخذوا كلهم ما يكفيهم وبقي بقية. Donc dans la bataille de lors de la bataille de Tabuk, ils étaient environ 30 000 combattants et ils avaient peu de provisions avec eux. Alors ils ont eu peur de la faim. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a ordonné de réunir tout ce qu'ils avaient avec eux comme provision. Alors ils ont tous réuni ce qu'ils avaient sur un tapis, hein, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a invoqué sur ces provisions et il a béni cette provision et il leur a dit prenez. Hein, prenez ce que vous voulez dans ce qui est là, et chacun d'entre eux prenait ce qu'il lui fallait, et il le ramenait avec lui dans sa tente ou bien là où il était installé, et ils ont tous pris quelque chose pour eux, et ça a été suffisant pour chacun d'entre eux, et il y a même eu des restes. Donc ça, c'est un de ces miracles, encore une fois. Et l'exemple, ensuite, il dit « وَلَمَّا كَانَ الْمَاءُ لَا يَكْفِ النَّاسِ لِوُضُوئِهِمْ وَشُرْبِهِمْ وَطَبْخِهِمْ وَضَعَ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ فِيهِ فَجَعَلَ يَفُورُ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِ يَدِهِ وَالنَّاسُ يَسْتَقُونَ حَتَّى مَلَأُوا أَوْعِيَتَهُمْ مِنَ الْمَاءِ وَأَخَذُوا حَاجَتَهُمْ وَهَذَا مِنْ مُعْجِزَاتِهِ فِي عِدَّةِ مَرَّاتِ يعني وَلَيْسَ فِي مَرَّةٍ وَاحِدَةٍ. Donc ici le cheikh il explique que lorsque il n'y avait pas suffisamment d'eau pour qu'ils puissent faire leur wudu et pour qu'ils puissent boire et pour qu'ils puissent cuisiner, hein, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis sa main dans l'eau et on a vu l'eau jaillir de ses doigts. Et les gens ont commencé à s'abreuver jusqu'à ce qu'ils puissent remplir leur contenant. Et ils en avaient suffisamment pour tous leurs besoins. Et ça aussi, ça fait partie des exemples, des miracles du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, qui se sont reproduits. Ça, c'est un miracle, un exemple qui s'est reproduit à plusieurs reprises et non seulement à une seule reprise. Il donne encore d'autres exemples. Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, il dit كَمَا كَانُوا فِي غَزْوَةِ الْحُدَيْبِيَةِ نَحْوُ أَلْفٍ وَأَرْبَعُمِئَةٍ أَوْ خَمْسُمِئَةٍ نعم وَرَدِّهِ لِعَيْنِ أَبِي قَتَادَ حِينَ سَالَتْ عَلَى خَدِّهِ فَرَجَعَتْ أَحْسَنَ عَيْنَيْهِ سُبْحَانَ اللَّهِ. Donc ici le cheikh il explique que dans la bataille de Al-Hudaybiyah, ils étaient environ 1400 ou 1500. Hein? Dans cette occasion-là, la même chose s'était produite avec de l'eau et des choses de ce genre. Ça aussi, ça s'est produit à cette occasion-là aussi. Et en une autre occasion aussi, un de ses compagnons, son œil était tombé de son socle. L'œil pendait comme ça. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a remis. Et cet œil-là est devenu le meilleur de ses deux yeux par la suite. Et Cheikh Al-Fawzan, il commente sur ça. Il dit « Ghazwatul Hudaybiyah, allati ja'a al-Nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam wa ashabuhu lil-umrati, fa saddahum al-mushrikun, wa nazalu ala ghayri ma'in fil Hudaybiyah, wa hiya ala hudud al-haram min jihat al-gharb, muttasilatan bil-tan'im. فالماء قل معهم فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا لهم حتى أنزل الله البركة في الماء وكفاهم. Donc il dit dans la bataille de Al-Hudaybiyah, lorsque le prophète صلى الله عليه وسلم ainsi que ses compagnons étaient partis pour la Umra et que les mushrikoun l'ont empêché de poursuivre son chemin, ils se sont arrêtés dans un endroit Al-Hudaybiyah où il n'y avait pas d'eau. Et c'est à la limite du haram, dans la direction de l'ouest, à l'ouest. Et c'est relié à At-Tan'im. Et il n'y a pas beaucoup d'eau à cet endroit-là. Et eux, ils n'avaient pas amené d'eau avec eux non plus. Alors le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a fait un dua jusqu'à ce que Allah subhanahu wa ta'ala fasse descendre la bénédiction dans l'eau. Et ça leur a suffi. L'exemple, il dit ensuite, وَأَبُو قَتَادَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِي صَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ أُصِيبَ فِي بَعْدِ الْغَزَوَاتِ فِي عَيْنَيْهِ وَخَرَجَتْ عَيْنُهُ فَرَدَّهَا النَّبِي صَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَكَانِهَا حَتَّى أَبْرَأَهَا اللَّهِ وَصَارَتْ أَحْسَنَ عَيْنَيْهِ. Donc Abu Qatada, qui était un des compagnons du prophète صلى الله عليه وسلم, qui a été frappé pendant une des batailles. Et un de ses yeux est sorti. Il est sorti de sa place. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam l'a replacé à sa place. Et il a guéri. Allah subhanahu wa ta'ala l'a guéri. Et donc, cet œil-là est devenu le meilleur de ses deux yeux, c'est-à-dire c'était celui avec lequel il voyait le mieux par la suite. Ensuite, il dit « Walamma arsala Muhammad ibn Maslama li qatli Ka'b ibn al-Ashraf fawaqa'a wa inkasarat rijluhu famasahaha fabari'at wa at'ama min shiwa'in من شواء 130 رجلا كلا منهم جز له قطعة وجعل منها قطعتين فأكلوا منها جميعهم ثم فضل فضله. Donc il explique ensuite que يعني en ce qui concerne un autre exemple, c'était lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait envoyé Muhammad ibn Maslama pour exécuter Ka'b ibn al-Ashraf. Et lorsque Muhammad ibn Maslama est parti, et puis il a sauté à un endroit, et en tombant, il a cassé sa jambe. Alors, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis sa main sur, il a frotté sa main à l'endroit où la jambe était cassée et il a guéri, il est guéri sur le champ. Donc ça, c'est un exemple du miracle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. De même que il a nourri yani 130 rajulan, c'est-à-dire 130 hommes à partir d'un seul mouton. Et ils étaient nombreux et il a nourri un grand nombre de personnes avec cette petite quantité de viande. Et chacun d'entre eux ont eu une part. Et il s'est même وَجَعَلَ مِنْهَا قِطْعَتَيْنِ فَأَكَلُوا مِنْهَا. Donc c'est ça. Ils en ont tous mangé. Et c'est ce que le cheikh Al-Fawzan il commente, il dit wa kadhalika Ka'b ibn al-Ashraf al-Yahudi alladhi adha an-nabi sallallahu alayhi wa sallam wa allaba alayhi al-mushrikun an-nabi sallallahu alayhi wa sallam arsala ilayhi Muhammad ibn Maslama al-Ansari radiyallahu anhu liqatlihi liyaqtulahu fadhahaba wa qatalahu lakinnahu saqata radiyallahu anhu fankasarat rijluhu famasahaha an-nabi sallallahu alayhi wa sallam fabari'at كأن لم يصبها شيء وكذلك اللحم لحم قليل من شاة واحدة وهم كثيرون أي نعم وبقي منه بقية. Donc c'est ça, le juif qui s'appelle Ka'b ibn al-Ashraf, qui faisait beaucoup de tort au prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui incitait les mushrikoun contre le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans ce temps de guerre. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé un d'entre ses sahabas pour le tuer. Et donc il est parti et il l'a tué. Et il dit sauf que en revenant il est tombé et il s'est cassé une jambe. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a seulement frotté cette jambe et il est guéri sur le champ. Comme si rien n'avait, comme s'il s'était jamais cassé la jambe. Il dit ensuite, et ça c'est rapporté par par Al-Bukhari. Et le cheikh il dit également à propos de la viande, la même chose aussi, un petit mouton qu'ils avaient égorgé et ça a réussi à nourrir un grand nombre de personnes. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il coupait la viande et il la distribuait jusqu'à ce qu'ils mangent tous, même que certains ils en ont pris même plus qu'une part. Et il y en a eu du reste. Il y en a eu du restant. D'autres exemples parmi les miracles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le cheikh il dit Wadaynu Abdillah ibn Abi Wadaynu Abdillah Abi Jabir lil Yahudi wa huwa 30 wasqan. Na'am qala Jabir fa amara sahib ad-dayn أن يأخذ التمر جميعه بالذي كان له فلم يقبل فمشى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال لجابر hein, jud lahu. فوفاه الثلاثين وسقا وفضل سبعة عشر وسقا ومثل هذا كثير قد جمعت نحو ألف معجزة. يعني سبحان الله. Donc ici le cheikh il explique que Abdullah ibn Abdullah Abu Jabir avait une dette envers un juif. Et cette dette, c'était yani, 30 wasq. Et le wasq, yani, c'est une très grosse quantité, en fait. C'est comme 60 sa'. 60 sa'. 30 wasq, c'est comme 60 sa'. Donc, ça veut dire que, yani, subhanallah, c'était... quand on dit une sa', c'est quoi? On dit qu'une sa', c'est le contenu de 4 poignées, 4 mains réunies. Hein, qu'est-ce qui rentre dans l'intérieur de 4 fois le contenu de la main, les deux mains lorsqu'elles sont collées ensemble. Donc le contenu des deux mains lorsqu'elles sont collées ensemble, 4 fois, ça fait une sa'. Et là on parle de 60 sa'. Et ça c'est une wasq. Donc ça veut dire fois 30. Hein? Donc 60 fois 30, ça fait une quantité, ça fait une grosse quantité. 60 fois 30, ça fait 1800 sa. Et si on fait fois 4, ça ferait à peu près la quantité de 7200 mains, hein, collées ensemble comme ça. Le contenu de 7200 mains. Il avait donc cette dette envers le juif. Et c'est ça que le cheikh Al-Fawzan il explique. Il dit « كذلك قصة دين عبد الله بن حرام رضي الله عنه الذي استشهد في وقعة أحد » والد جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما وكان عليه دين ليهودي وهو 30 وسقا من التمر والوسق 60 صاعا وهو مبلغ كبير وتمرة النخل قليلة فطلبوا من اليهودي أن يأخذ تمر النخل وينتهي فأبى إلا أن يأخذ دينه كله. يعني جاء النبي صلى الله عليه وسلم ومشى في حائط عبد الله وقال له جد له فجعل يجد له حتى وفاه 30 وسقا وبقي 17 وسقا وهذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم. Donc il explique en fait que le père de Abdullah le père de Jabir ibn Abdullah avait une dette envers un juif et c'était une grosse quantité, 30 wasq. On a dit c'est 60, une wasq c'est 60 sa', donc c'était 1800 sa'. Et le produit des dattiers du père de Jabir, c'était une petite quantité cette année-là. Ils n'avaient pas produit beaucoup de fruits. Alors ils ont offert aux Juifs de lui donner ce qu'ils avaient comme date et pour que ce soit suffisant. Comme s'ils prenaient ce qu'on a. Prends ce qu'on a, puis la dette est réglée. Et lui, le Juif a refusé. Il a dit non, je veux toute la dette en entier. Et qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait à ce moment-là? Il est venu marcher sur le mur du père de Jabir. Et il a fait un dua. Hein? Il a dit Juz lahu. Juz lahu. C'est comme si la quantité des dates a augmenté jusqu'à ce que ce soit même plus que qu'est-ce qu'il devait comme dette. Il a pu même garder yani 17 wasq en plus, hein, en surplus. Donc ça fait partie des miracles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le cheikh Ibn Taymiyyah, il dit, et il y a d'autres exemples de ce genre de miracles qui sont plus que 1000 miracles qui sont mentionnés et que les savants ont réunis. Et Cheikh Al-Fawzan, il explique ça en disant « مثل هذه المعجزات للنبي صلى الله عليه وسلم إنما يعني كثيرة وإنما هذه نموذج منها جمع له صلى الله عليه وسلم نحو 1000 معجزة أو جمع له نحو 1000 معجزة تسمى دلائل النبوة ومنها كتاب دلائل النبوة للبيهقي ولأبي نعيم وغيرهم وقال يعني وهذه معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم وهذه أمثلة منها أما كرامات الأولياء كرامات أصحابه فهي كثيرة أيضا. Donc ici le cheikh il explique que les miracles du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont très nombreux, et ça c'est seulement des exemples qu'on a mentionnés. Certains savants ont réuni plus que 1000 parmi les miracles du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui sont réunis dans des livres qu'on appelle Dala'il al-Nubuwa. Dala'il al-Nubuwa, c'est-à-dire yani les preuves, hein, de la prophétie. Et yani il y a un livre comme ça de l'imam al-Bayhaqi et de Abu Nu'aym et d'autres également parmi les savants. Et donc, ça c'est parmi les miracles du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et ça c'est donc que des exemples. En ce qui concerne les prodiges des awliya, des hommes pieux et des serviteurs rapprochés d'Allah, qui font des actes miraculeuses, eh bien, il y en a de nombreuses de la part des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et d'autres également. Et yani le cheikh Ibn Taymiyyah, il va en mentionner quelques-uns. Il va en mentionner des exemples de karamat. Donc c'est ça ce qu'il mentionne maintenant par la suite. Donc le cheikh Ibn Taymiyyah, il dit maintenant, et la raison pourquoi cheikh l'islam Ibn Taymiyyah il mentionne ça, il mentionne les miracles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ensuite les karamat, hein, des sahaba et des tabi'in et des imams et des salihin, des hommes pieux, c'est justement pour montrer la différence qu'il y a entre les miracles et les karamat des gens pieux et des gens de la sunna, par opposition justement aux ruses des shayatines et des alliés du shaytan qui essaient justement de se faire passer pour des awliya et qui utilisent yani toutes sortes de moyens diaboliques pour essayer de tromper les gens. Donc ici ensuite le cheikh il dit wa karamatu as-sahabati wa at-tabi'in ba'dahum wa sa'ir as-salihin kathira jiddan مثل ما كان أسيد بن حضير يقرأ سورة الكهف فنزل من السماء مثل الظلة فيها أمثال السرج وهي الملائكة نزلت لقراءته. نعم. Donc il dit parmi les prodiges des sahaba et des tabi'in et d'autres également et du reste des hommes pieux, il y en a de nombreux miracles de ce genre et de nombreuses choses miraculeuses, de nombreux prodiges. Et Cheikh Al-Fawzan dit "Laysat al-karamat maqsuratun 'ala as-sahaba radiyallahu anhum, bal tajri 'ala at-tabi'in wa atba'ihim wa sa'ir al-mu'minin." Donc le Cheikh Al-Fawzan dit à propos de ça que les karamat, yani ça se limite pas seulement aux sahaba radiyallahu anhum, mais ça peut même se produire yani de la part des tabi'in et de ceux qui ont suivi les tabi'in par la suite et du reste des croyants. Ensuite, le cheikh, il explique que, par exemple, parmi les compagnons, Asyad ibn Hudayr, radiallahu anhu, il récitait surat al-Kahf. Et il y a un genre de nuée, hein, un genre de nuée qui est descendu du ciel, comme un petit nuage. Et dedans, il y avait comme des lumières qui sortaient de ce nuage-là en même temps, et qui est descendu sur lui lorsqu'il récitait le Coran. Et c'était des anges, en réalité, qui étaient descendus pour écouter sa récitation. Ça, c'est rapporté par Al-Bukhari. Hein, c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Ensuite, Cheikh Al-Fawzan, il explique ça. Il dit, Asyad ibn Hudayr, radiyallahu anhu, kana yaqoumu min al-layl, wa yaqra'u al-Qur'an, wa kana lahu sawtun hasan, فقام يقرأ من الليل يصلي ويقرأ فنزل عليه شيء مثل الظلة من السماء فيه أمثال السرج فلما رأتها الفرس وهي مربوطة نفرت حتى كادت أن تطأ ابنه يحيى فلما أصبح غدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره فقال هذه الملائكة نزلت تستمع لقراءتك ولو أنك استمرت لاستمرت حتى يراها الناس فهذا من كرامات أسيد بن حدير أو أسيد بن حدير رضي الله عنه نزول الملائكة لتستمع لقراءته. Donc, c'est ça que le Cheikh Al-Fawzan, il explique, que Asyad ibn Hudayr, il récitait pendant la nuit, il récitait le Coran, il faisait la salat, et il avait une belle voix. Alors, il y a un genre de nuage qui est descendu, un petit nuage qui est descendu du ciel, et dans ce nuage, il y avait de la lumière. Lorsque les chevaux ont vu ce nuage alors qu'ils étaient attachés, eh bien, ils ont pris peur, au point où ils ont failli même pas écraser le petit de Asyad ibn Hudayr, Yahya, son fils. Alors, lorsqu'il s'est levé, il est allé voir le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, le matin. Et il a informé le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, de ce qu'il avait vu. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui a dit, c'était des anges qui étaient descendus pour écouter ta récitation. Il dit, et si tu avais continué à réciter, hein, eh bien, ils seraient restés, ils auraient continué à écouter jusqu'à ce que les gens les voient. Et il dit, donc ça fait partie des karamates de Asyad ibn Hudayr, radiyallahu anhu, le fait que les anges descendent pour écouter sa récitation. Il mentionne d'autres exemples aussi. Il dit وكانت الملائكة تسلم على عمران بن حسين radiyallahu anhu. Donc il explique, le Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, que les anges donnaient le salam à Imran ibn Hussein, radiyallahu anhu. Et ça fait partie de ses karamat. Il dit, وَكَانَ سَلْمَانَ وَأَبُو الدَّرْدَاءِ يَعْكُلَانِ فِي صَفْحَةَ فَسَبَّحَتِ الصَّفْحَةَ أَوْ سَبَّحَ مَا فِيهَا. Donc il dit, le cheikh, que Ibn Taymiyyah dit que Salman al-Farisi et Abu Darda, tous les deux, mangeaient ensemble dans une assiette, jusqu'à ce que même l'assiette glorifiait Allah subhanahu wa ta'ala, ou ce qu'il y avait dans l'assiette glorifiait Allah subhanahu wa ta'ala. Et Cheikh Al-Fawzan, il explique, il dit, « وَمِنْ كَرَامَاتِ الْأَوْلِيَا مَا حَصَلَ لِسَلْمَانَ الْفَارِسِي وَأَبِي الدَّرْدَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أنهما كانا يأكلان من صفحة أو من من صحفة عفوا يأكلان من صحفة فسمع تسبيح الصحفة أو تسبيح الطعام. الله عز وجل قال وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. تارة يظهر الله سبحانه وتعالى ذلك لأجل كرامة الولي. Donc ici le Cheikh il explique que parmi les karamats des awliya, il y a ce qui est arrivé à Salman al-Farisi radiyallahu anhu, ainsi que Abu Darda radiyallahu anhuma, lorsqu'ils mangeaient tous les deux dans une assiette et ils ont entendu l'assiette ou la nourriture qui était dans cette assiette glorifier Allah subhanahu wa ta'ala et faire le tasbih, yani de dire subhanallah, hein, ou de glorifier Allah subhanahu wa ta'ala. Alors le cheikh il dit, il y a un verset dans sourate al-Isra qui est le verset 44 dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit que il n'y a rien excepté que il n'y a rien dans la création excepté que il n'y a rien excepté que il glorifie Allah, c'est-à-dire il n'y a rien dans la création excepté que tout ce qui existe glorifie Allah. Et il dit mais vous ne comprenez pas leur glorification, vous ne comprenez pas leur tasbih. Donc c'est pour dire que des fois Allah subhanahu wa ta'ala il peut faire en sorte que certains de ses awliya soient capables justement de comprendre ou d'entendre cette glorification de la part de ces créatures qui glorifient Allah de différentes façons, et ça c'est une sorte de karama. Ensuite il donne un autre exemple, il dit wa Abbad ibn Bishr wa Asyad ibn Hudayr kharaja 'inda Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam fi laylatin muzlima فأضاء لهما نور مثل طرف الصوت فلما افترق الضوء معهما رواه البخاري وغيره. Donc il explique le cheikh que Abbad ibn Bishr et Asyad ibn Hudayr ils sont sortis de chez le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dans une nuit très sombre, très noire, et il y avait une lumière qui les éclairait, yani comme le bout d'un fouet, hein, le manche d'un fouet, yani qui éclairait devant eux. Et lorsqu'ils se sont séparés, eh bien la lumière s'est séparée également, hein, pour les suivre, subhanallah. Et ça, c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. C'est rapporté par Al-Bukhari et d'autres également. Et Cheikh Al-Fawzan, il dit à ce sujet-là, Abbad ibn Bishr wa Asyad ibn Hudayr radiyallahu anhuma kana inda al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam fi awwali al-layl fa kharaja min indihi yuridani al-dhahabi ila masakinihima wa kanat laylatun muzlima فسطع لهما نور كالصوت يمشي معهما فلما افترقا انقسم النور مع كل واحد منهما وهذا من كرامات الأولياء. Donc il dit parmi les exemples, donc il y a cet exemple qui est arrivé à ses deux compagnons lorsqu'ils sortaient, ils ont passé une partie de la nuit avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Puis lorsqu'ils sont partis pendant la nuit, il faisait très très noir et il y a une lumière qui les a éclairés comme un fouet, un trait de lumière qui les suivait. Et lorsqu'ils se sont séparés, eh bien cette lumière-là, elle s'est séparée aussi en deux pour les suivre. Et ça fait partie des exemples des karamat des awliya. Et donc il y a beaucoup d'autres exemples qu'on va mentionner. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui, inshallah.